Chapitre 6e. Ouverture du théâtre Rigolo. L'annonce sur les colonnes Maurice et dans les journaux de l'ouverture du théâtre au nom joyeux et de la pièce au titre alléchant qui devait l'inaugurer ne pouvait laisser indifférent Bengali et ses compagnons de plaisir. Et malgré une chaleur à vendre le beurre en bouteille, ils s'étaient mis d'accord pour aller tous ensemble à la première représentation du bœuf à l'huile. Ils avaient loué 6 fauteuils de balcon, premier rang, se suivant sans interruption. Le nouveau théâtre était un ancien café-concert transformé en salle de spectacle, par adjonction de 2 galeries, d'un balcon et de quelques loges, théâtre de quartier vu sa situation excentrique. Ce quartier, du reste, ne pouvait fournir un public de high life et on s'en apercevait, dès en entrant dans la salle, aux nombreuses casquettes et aux cravates rouges ou vert pomme qui l'émaillaient, mêlés au chapeau du temple des dames, même au simple bonnet, et par-dessus tout au bruit des conversations, des interpellations et des appels à longue distance entre spectateurs reconnaissants des amis. Tout cela, dans une température d'Éthiopie et un grouillement de visage en sueur, continuellement essuyé par des mouchoirs de poche ou des manches de paletot. Dans la confusion des bois, on distinguait les réflexions de circonstances échangées du paradis au parterre et réciproquement. Très chic ce théâtre-là. Il y a du velours. Et de l'or. Et le bœuf à l'huile, ça doit être rien rigolboche. Qu'est-ce que ça peut être un bœuf à l'huile? Un bœuf à l'huile, ça doit être un vieux bœuf bien conservé. Dans l'huile? Dame, il y a bien les sardines. Et tout le monde de rire. Les sardines, espèce de serin. « Eh ben, qu'est-ce que c'est, toi ? Va donc t'asseoir sur ma veste et prends garde de casser ma pipe. »« Mais dis donc ce que c'est, toi, puisque t'es si malin. » Autre voix. « Moi, je parie que je sais ce que c'est que le bœuf à l'huile. » Tout le monde. « Ah, dis-le. » « Eh ben, c'est le contraire d'un cornichon, parce que le cornichon est au vinaigre. » On conspue l'auteur de cette explication. « Ferme donc ta boîte à bêtises, » cria l'un. « Tiens, tu m'affliges. » « Comme le grenadier de la chanson, » dit un autre. Troisième voix. « Vous êtes tous des melons. Voilà ce que c'est. C'est pas le bœuf en personne, simplement qu'il a fait faire son portrait à l'huile. » Cette nouvelle explication est accueillie par des huées unanimes. « Tu ferais bien mieux de nous payer des rafraîchissements que de dire des choses bêtes comme tes pieds, » crie un ami du préopinant. « Oui, oui, » approuve en chœur toute la société altérée. « On crève de soif, » disent les uns. « N'y a-t-il donc pas de limonadier ?» demande un autre. Ici le cœur, sur le rythme des lampions, « Le garçon ! Le garçon !» Le silence se fit tout à coup. C'était l'arrivée de Bengali et de ses amis au balcon qui produisait son effet. « Des messieurs de la haute » murmurait-on. « Ils ont des gants ?» observaient les uns. « Et des lorgnettes ?» ajoutaient les autres. « Ça doit être des Russes !» affirma un physionomiste. Et l'opinion ayant circulé, de nombreuses voix crièrent « Vive la Russie !» Bengali et sa société saluèrent gracieusement en mettant la main sur leur cœur, ce qui prouva que le physionomiste avait deviné et les cris « Vive la Russie !» de redoubler. « Demandez vin, bière, cognac, sucre d'orge, l'absinthe !» cria un garçon limonadier qui entrait en ce moment. Des bravos retentirent de toutes parts, accompagnés des ordres. « Garçon, 4 verres !»« Garçon, 2 cognac !»« Garçon !» 5 bocs. Des bons chaussons, ajouta le garçon. 3 chaussons, crièrent des voix. Pas de confusion sur le mot chausson. Un grammairien fantaisiste l'a défini, objet de lisière ou de pâte ferme contenant des pieds ou des pommes. Les chaussons dont il s'agissait contenaient des pommes. Les plus pressés, soulagés par l'absorption des liquides, et un silence relatif s'étant produit, Bengali se leva et cria d'une voix retentissante. Garçon, 6 sucres d'orge à l'absinthe. » Et quand on vit les 6 sucres d'orge sucés par les 6 bouches amies, ce fut un enthousiasme tenant du délire et toute la salle de crier « L'hymne russe ! L'hymne russe !»« Mais les musiciens n'y sont pas !» cria un spectateur. « Chantons la Marseillaise !» Et tout le monde entonna la Marseillaise aux acclamations de Bengali et de ses compagnons, debout et la main sur le cœur. Un œil parut à chacun des trous du rideau, dont l'agitation trahissait la présence des comédiens impatients de voir les Russes. Et tous, ne pouvant pas mettre leur œil au trou, les empêchés soulevaient les coins du rideau et montraient leur tête curieuse. Marocains, placés dans une baignoire de face, sous le balcon où étaient les spectateurs, cause de cet enthousiasme et qu'il ne pouvait pas voir, Maroquin de se réjouir de l'heureux incident qui devait assurer le succès du Veuf à l'huile. Et quand les quatre musiciens composant l'orchestre parurent à leur place, il s'associa de tous ses poumons au cri, de nouveau poussé, « L'hymne russe, l'hymne russe !» Les artistes, qui ne connaissaient pas ce chant national, jouèrent « God Save the Queen » aux applaudissements des spectateurs qui avaient pris cet air anglais pour l'air russe. Ceux du parterre, tournés vers les prétendus russes, les acclamaient, battaient des mains, faisaient un tapage assourdissant. Les petits coups précipités, frappés derrière le rideau pour avertir les musiciens de se tenir prêts aux trois coups officiels, ce signal n'arrêta pas les acclamations des amis de la Russie. « Silence dans la fosse commune !» cria un amateur de chaussons en essuyant à ses cheveux ses doigts pleins de marmelade de pommes. « On va commencer !» On frappa les trois coups, l'orchestre joua l'ouverture et le rideau se leva. Maroquin était haletant et avoua à sa femme et à Georgette qu'il avait le trac. Puis, remarquant une place vide à l'orchestre, « Je vais la prendre, je serai mieux pour chauffer la pièce et encourager les artistes. » Il quitta la loge et alla s'asseoir à la stalle vacante. « Cette place est celle d'un monsieur qui va rentrer, et il m'a prié de la lui garder, » dit le voisin de stalle. « On ne retient pas de place, » répondit-il. « Celle-ci est inoccupée, je la prends. » « Vous vous arrangerez avec son propriétaire, » répliqua le gardien de la place. « C'est tout arrangé. » fit le commanditaire, et il s'installa dans la stalle au moment où le rideau se levait. « Oh, une idée !» dit à demi-voix Bengali à ses amis. « Nous ferons les mots continués. » Les amis approuvèrent en étouffant le rire qui les gagnait à la pensée de cette scie pendant la pièce. Le théâtre représentait un petit salon modestement meublé. Il fait nuit. Entre avec précaution, par une porte latérale, une vieille femme portant une lampe allumée. « Je crois, dit-elle, que mon savoyeur de maître s'est décidé à taper de l'œil. Foi de veuve tubéreux qui est mon nom, j'en ai attrapé une courbature dans la gorge de lui lire les journaux. » On entend sonner 2 heures. « 2 heures du matin. Vous croyez qu'il n'est pas à tuer, ce ravagé-là? De ne pas vouloir que les autres dorment, parce qu'il ne peut plus dormir, ni que les autres mangent, parce qu'il n'a pas d'appétit, et qu'il est condamné à l'huile de foie de morue ?» Désappointement des spectateurs, rumeur dans la salle. « Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le veuf à l'huile. C'est idiot. C'est imbécile. On se fiche de nous. »« Laissez continuer !» s'écria Maroquin, puis s'adressant à l'actrice. « Continuez, madame. » Et la mère tubéreux continua. « Et ça n'a que 42 ans. Voilà où mène la noce. Et encore, il y a noce et noce. Ainsi, moi, par exemple. Ici, un rire général. » Maroquin, voulant chauffer le premier succès, se tord avec des éclats joyeux à croire qu'il allait suffoquer. « Attention aux mots continués, » dit Bengali à ses compagnons, « je commencerai. » La mère tubéreux, qui a cru devoir saluer le public, reprend la suite de son monologue. « Eh bien, moi, ça ne m'empêche pas d'être bien conservé, j'espère. »« De bottes, » dit Bengali à haute voix, et nos farceurs continuant, le public stupéfait entendit « De Bottes, Annick, Olas, Flamel, Audram, de Denry, de Vaux, au petit pois, long comme le bras. » Bengali fit signe d'arrêter ici la série. Le public se dit « C'est du russe, il parle en russe. » Et la pièce continua. La mère tubérue. Avec ça qu'il prend des pilules très échauffantes qui lui donnent une constipation. Rumeur et protestation dans la salle. « Oh, oh, oh !»« Charge-le d'huile !» crie une voix. « Mets-le à l'huile de ricin !» ajoute une autre, et toute la salle de rire. « Silence !» hurle le Maroquin furieux. La chaleur, allant toujours croissant, les dames, peu à peu, retirent les unes leurs chapeaux, les autres leurs bonnets, et les suspendent à l'étoffe de la rampe à l'aide d'épingles. La mère tubéreux continuait, lorsqu'une altercation se produisit dans la salle. C'était le titulaire de la place occupée par Maroquin qui la lui réclamait. « Hein, quoi ?» dit celui-ci avec humeur. « Vous troublez le spectacle !» « C'est vous qui le troublez, je vous réclame ma place, voilà tout !» Maroquin ne répondit pas et se remit à écouter la pièce. Le réclamant lui frappa sur l'épaule. « Vous n'entendez pas ce que je vous dis, vous avez ma place, je la veux !» Maroquin refuse de la rendre. Altercation, gifle retentissante appliquée à Maroquin. « Ah bah la claque !» fit un loustique, et le public de rire. Tout le monde élevé et la mère tubéreux attend que l'émotion soit calmée. Un agent arrive et expulse le gifleur. Maroquin alors de rouler des yeux effrayants et de crier d'une voix terrible « Eh bien, ça m'est égal, je la garde !» Il se rassit à la place réclamée. « C'est ça, gardez-la » cria le public, mis en belle humeur. Pendant cette scène, nos six farceurs avaient remarqué l'exposition à la galerie des chapeaux et des bonnets, et après avoir chuchoté entre eux, Bengali était sorti, puis était rentré après une courte absence. La mère tubéreux avait repris son monologue. Le public écoutait la pièce, et la bande joyeuse profita de l'attention générale pour exécuter le plan conçu par Bengali et qui était celui-ci. Les dames s'étant allégées de leur coiffure pour avoir moins chaud à la tête, nos farceurs s'allégèrent de leurs chaussures pour avoir moins chaud aux pieds, et bientôt on vit pendre au balcon six paires de bottes accrochées à la rampe du balcon par les tyrans à l'aide des épingles que Bengali s'était procurées pendant sa sortie. « Seconde série de mots continués, » dit-il à voix basse. « Attention !» La mère tubéreux continuait toujours. « Si ce n'était pas qu'il est riche et qu'il me couchera sur son testament, » Bengali continua sûrement. « Comme un arracheur de dents !» Et les autres de continuer sous la syllabe « dents », « sœur », »,« de corde », »,« appui », »,« très profond », »,« de culotte ».« Assez !» cria Maroquin avec colère. Et tout le monde, se retournant vers les interrupteurs, de jeter un cri de surprise à l'aspect de l'étalage de cordonnerie. Maroquin bondit à la vue de Bengali. « C'est des Russes !» dit un des spectateurs. « Il paraît que ça se fait dans leur pays quand on a trop chaud. »« Ça, des Russes ?» hurle Maroquin. « Je les connais. Ce sont des faiseurs de farces. Ils sont venus ici pour se fiche de nous. » Des clameurs, alors, accueillirent cette révélation. Des menaces aux faux Russes se firent entendre, des poings se tendirent vers la galerie, Bengali et les siens, devinant qu'un mauvais parti leur était réservé, décrochèrent vivement leurs bottes et disparurent.